بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى أدي dans son noble livre: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Et qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait bonnes œuvres et dit: je suis du nombre des musulmans. Et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. Celui qui indique un bien aura la même récompense que celui qui l'accomplit. Ce verset, ce hadith, ainsi que de nombreux autres textes, prouvent le grand mérite de l'appel à Allah, subhanahu wa ta'ala, de la prédication et d'indiquer le bien. Cependant, comme chaque adoration, l'appel à Allah, subhanahu wa ta'ala, et la prédication sont soumis à des règles, des conditions et des obligations qu'il convient de connaître. Nous avons donc mentionné, par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala, certaines de ces règles, ainsi que le comportement qu'il convient d'adopter dans la prédication et l'appel à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce, en se basant sur deux écrits du noble shir Zayd ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah ta'ala. Donc le shir Zayd al-Madkhali, rahimahullah, a dit: vous savez certes que l'appel à Allah, subhanahu wa ta'ala, selon sa compréhension authentique et son sens réel, est une obligation communautaire, c'est-à-dire qui incombe à une partie de la communauté. C'est donc une obligation parmi les obligations de notre religion. C'est pour celui-ci qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya les messagers, qu'il fit descendre les livres et légiféra la lutte. Et il a fait subhanahu wa ta'ala de l'étude de la science une obligation pour chaque musulman et musulmane, et ce, afin que la communauté s'acquitte de cette obligation au fil du temps et dans chaque endroit, seul ou à plusieurs, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné et comme cela fut légiféré par son messager sallallahu alayhi wa sallam, par obéissance pour Allah azza wa jal et pour faire vivre la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que pour conseiller la communauté, se décharger de cette obligation et établir la preuve en éclaircissant la voie authentique. Et certes, il suffit comme preuve du mérite de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala et de son haut degré, ainsi que de la noblesse des prédicateurs et de leurs mérites. Il suffit comme preuve à cela que les imams dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que des prédicateurs, ne sont autres que les nobles messagers et les prophètes alayhimu salatu wassalam, ainsi que les savants et les vertueux parmi les créatures. Et que celui qui désire une preuve à ce qui vient d'être mentionné lise le livre de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, en méditant dessus tout comme les salafs le lisaient. Et qu'il multiplie également la lecture de la sunna authentique de son prophète, alayhi salatu wassalam, en cherchant à la comprendre, en la respectant et en lui donnant une grande importance. Puis qu'il lise sa biographie, sa manière de faire la prédication et sa lutte tout au long de sa vie, sallallahu alayhi wasallam. Qu'il étudie également la vie des khulafa ar-rashidun, radiyallahu anhum, et de ceux les ayant suivis et ayant pris exemple sur eux parmi les prédicateurs véridiques et les savants sincères. Ce dont l'amour de la prédication a rempli le cœur et éclairé les raisons. Par celui-ci, leur poitrine s'est élargie et s'est apaisée, et cela impacta également sur leurs membres. Leur récompense est donc énorme, et leur impact sur les gens est magnifique. Et ce, alors que les pensées des ignorants sur eux sont mauvaises, et que l'impact des ignorants sur eux est détestable. Donc ensuite, le cheikh rahimallah a dit: mes frères en Allah, la plupart d'entre vous ont certes connaissance qu'aucune communauté sur terre, ni aucune société, ni aucune personne ne peut se passer de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, car il fait vivre les âmes, nourrit les raisons et les cœurs. Il est une force pour les corps, et c'est la meilleure des voies et le plus sage et le plus prudent des chemins. Et certes, ceux qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux qui indiquent ce chemin et cette voie droite. Et leur imam, donc leur guide dans cela, n'est autre que celui à qui a été révélé ce verset: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Que ceux qui appellent à Allah, subhanahu wa ta'ala, se réjouissent donc de sa noble promesse et de son immense éloge. Lorsqu'il a dit, azzawajal, wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allahi wa amila saliha wa qala innani min al-muslimin. Et qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait bonnes œuvres et dit, je suis du nombre des musulmans. Puis le shir, rahimahullah, a dit, mes nobles frères, les professionnels et les industriels utilisent certes des méthodes pour perfectionner leur profession et leur industrie, ainsi que leur qualité, et ce, afin que les gens les désirent et qu'ils en tirent de plus grands profits. Si c'est ainsi, il convient d'autant plus aux prédicateurs d'utiliser les méthodes légiférées et les voies agréées qui feront que leur prêche soit réussi et bénéfique à chaque moment par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, je ne connais qu'une seule voie dans la prédication qui est miséricordieuse envers la communauté. Cette voie est la meilleure des voies et la plus sûre. Et c'est la voie qu'a empruntée notre noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, durant toute la transmission de son message. Puis après lui, les califes bien guidés suivirent sa voie, ainsi que leurs frères parmi les nobles compagnons, les Muhajirun et les Ansar, radiallahu anhum, qui nous ont transmis les sciences de la religion comme ils les ont appris du meilleur du prophète et des messagers, sallallahu alayhi wa sallam, sans rien changer ni modifier. Mes frères, après avoir mentionné ce qui vient d'être mentionné, sachez que les fondements et les piliers pour réussir l'appel à Allah, subhanahu wa ta'ala, sont très nombreux. Mais malgré leur grand nombre, ils sont présents et réunis dans trois versets et deux hadiths authentiques. Quant au premier verset, il s'agit de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Voici donc le premier verset, et celui qui médite sur celui-ci s'apercevra que ceux à qui le prêche est destiné sont de différentes catégories et ont différentes situations. La première catégorie sont ceux qui connaissent la vérité et œuvrent selon celle-ci, mais qui sont éprouvés par une insouciance ou une incitation du diable, comme c'est le cas de nombreux musulmans. Ceux-là, il convient donc de les appeler avec sagesse, c'est-à-dire avec la vérité tirée de la science du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de la sunna authentique de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Car ils contiennent de très nombreuses orientations et indications vers le bien, son mérite, ainsi que sa bonne fin. Tout comme ils contiennent des avertissements contre l'insouciance et le mal, ainsi que ce à quoi ils mènent comme mauvaise fin et destination. Donc voici pour ce qui est de la première catégorie. Ensuite, il y a ceux qui connaissent la vérité mais n'œuvrent pas selon celle-ci, ou bien qui accomplissent certaines œuvres et en délaissent d'autres. Ceux-là, il convient donc de les appeler et de les exhorter de par la bonne exhortation. Et ce, en leur éclaircissant la vérité et en les encourageant à œuvrer selon celle-ci, tout en les mettant en garde contre son délaissement. Il faut donc leur mentionner les textes de la législation clairs et explicites, afin qu'aucune ambiguïté ne puisse s'emparer de leur cœur, souiller leur raison et les détourner du droit chemin. Car certes, l'homme est faible, les âmes ont des passions, et les diables les appellent à contredire la vérité, même si elles la connaissent et qu'elles y croient. Donc voici pour ce qui est de la deuxième catégorie de personnes. Quant à la troisième catégorie, ce sont ceux à qui la vérité est exposée jusqu'à ce qu'ils la connaissent. Mais malgré ça, ils continuent de la renier, de la contredire et de débattre, et ce, à cause de la dureté de leur cœur et de leur orgueil vis-à-vis de l'acceptation de la vérité. Ceux-là, il convient donc de débattre avec eux, pour celui qui en a la capacité, de la meilleure des manières, afin qu'ils acceptent la vérité, que leur cœur s'adoucisse et qu'ils délaissent les contradictions. Et même si le débat avec le prédicateur les importune, il n'y a pas de mal en cela, inshallah, pour le prédicateur. Et ce, car il souhaite par cela leur droiture et leur réussite. Voici donc pour ce qui concerne le premier verset. Ensuite, le shir, rahimahullah, a dit, quant au deuxième verset, il s'agit de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dis, voici ma voix. J'appelle les gens à Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah et je ne suis point du nombre des associateurs. Donc le cheikh, rahimahullah, a dit à propos de ce verset, ce verset comporte une explication claire et un appel évident, qui indique que celui qui appelle à Allah, subhanahu wa ta'ala, se doit d'être clairvoyant, c'est-à-dire par la science religieuse et la preuve évidente. En prenant pour exemple dans cela le noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, sur qui ce verset est descendu. Et sa communauté le suit également dans ce jugement jusqu'au jour de la résurrection. Et à leur tête, les gens de science et de clairvoyance, qui sont l'élite de la communauté, car ils indiquent aux gens le droit chemin et le bien, tout comme les étoiles dans le ciel indiquent le chemin aux voyageurs et aux résidents. Qu'ils se réjouissent donc de ce grand honneur et de cet énorme mérite, car ils participent dans l'appel à Allah, subhanahu wa ta'ala, tout comme l'ont fait l'ensemble des prophètes et des messagers, alayhimus salatu wassalam, ainsi que des alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis le shir, rahimallah, a dit: s'il en est ainsi, alors il ne convient pas à l'ignorant d'être un prédicateur qui appelle à Allah, subhanahu wa ta'ala, car il ne fait pas partie des gens de la clairvoyance. La clairvoyance, qui est la provision de celui qui appelle à Allah, subhanahu wa ta'ala, ainsi que son arme dans le vaste domaine de la prédication. Il est même possible que l'ignorant appelle à l'égarement sur le savoir et qu'il égare ainsi les gens en causant leur perte et en causant sa propre perte. Et le shir, rahimahullah, a également dit dans un autre passage: il faut impérativement que le prédicateur possède un bagage scientifique et des connaissances dans les sciences, qu'il maîtrise, mémorise et comprenne. Ensuite, après cela, il pourra les propager. Ceci implique donc de donner une grande importance à l'apprentissage de la science en utilisant les moyens bénéfiques qui aideront l'étudiant à maîtriser les sciences religieuses. Ainsi, lorsqu'il sera interrogé ou que les gens auront besoin de lui pour les prêches, les exhortations ou la prière, il sera capable d'accomplir tout ceci correctement. Et le cheikh a également dit dans un autre passage, rahimahullah, il n'est pas possible que tu sois un enseignant jusqu'à ce que tu sois compétent dans les sciences religieuses, selon tes capacités. Car l'ignorant ne peut enseigner à personne. En effet, celui qui ne possède pas une chose ne peut pas la donner. Il faut donc impérativement utiliser les moyens qui aident l'étudiant à être compétent dans les sciences religieuses, et surtout dans les obligations individuelles. Puis par la suite, il pourra les propager en commençant par la famille, puis après cela, à tous ceux que possible, selon ses capacités. Voici donc, pour ce qui concerne, les quelques bénéfices tirés de ce deuxième verset. Quant au troisième verset que le shir a mentionné, rahimahullah, il s'agit de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala: wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin. Et qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait bonnes œuvres et dit: je suis du nombre des musulmans. Le shir, rahimahullah, a dit à propos de ce verset, il a dit: ce verset comporte une grande éloge envers tous ceux qui appellent à Allah, parmi les gens de l'islam, de la foi et de la bienfaisance, qui espèrent la miséricorde d'Allah, craignent son châtiment, et dont les actes ne contredisent pas les paroles, et dont l'extérieur ne contredit pas l'intérieur. Le shir, rahimahullah, dit ensuite: Ya Allah, combien l'appel à Allah comporte-t-il de noblesse qu'il convient aux itinérants de rechercher? Et combien le degré de ceux qui appellent à Allah est élevé? Il est donc obligatoire de se tourner vers celui-ci, et surtout pour les savants ayant connaissance des règles de la prédication provenant du livre d'Allah et de la sunna authentique de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Que se réjouissent donc ceux qui appellent à Allah de l'amour d'Allah envers eux, de son alliance et du fait qu'il les ait choisis. Et ce, car ils ont répondu à l'appel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et appelé les gens à y répondre afin qu'ils soient comme eux. Ils ont donc par cela obtenu l'agrément de leur Seigneur et ont suivi l'exemple de leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans son appel des gens à la vérité. Ainsi, ils ont obtenu une énorme récompense et ont obtenu l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voici donc pour ce qui concerne ce troisième verset. Quant au premier des deux hadiths que le shir a mentionné, rahimahullah, il s'agit du hadith qui est rapporté dans les deux recueils authentiques, d'après la véridique, fille du véridique, radiallahu anhuma, lorsqu'elle demanda au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam: y a-t-il un jour qui fut plus dur que le jour de Uhud? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit alors: certes, j'ai beaucoup souffert avec ton peuple, mais ce qui a été le plus dur pour moi venant d'eux est le jour d'Al-Aqaba, lorsque j'ai appelé Ibn Abi Alil Ibn Abdi Kilal à l'islam et qu'il a refusé. Je suis donc parti, soucieux, et n'ai repris mes esprits qu'à un endroit nommé Qarn al-Tha'alib. Je leva donc ma tête et je vis au-dessus de moi un nuage qui me faisait de l'ombre. J'ai donc regardé Et j'ai vu Jibril alayhi salam qui m'appelait. Il a dit: Allah subhanahu wa ta'ala a entendu ce que ton peuple t'a dit et t'a répondu. Il a donc envoyé l'ange des montagnes afin que tu lui ordonnes ce que tu veux à leur sujet. L'ange des montagnes m'a donc appelé, m'a passé les salutations et m'a dit: Ton Seigneur m'a envoyé vers toi afin que tu m'ordonnes ce que tu veux. Si tu le souhaites, je les écrase entre les deux montagnes, Al-Arshabayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit alors: Plutôt, j'espère qu'Allah fera sortir de leur progéniture des gens qui adorent Allah seul, sans rien lui associer. Le shir, rahimahullah, a dit à propos de ce hadith: Ce hadith, dont l'authenticité est reconnue à l'unanimité, comporte un grand nombre de points concernant la jurisprudence de l'appel à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et parmi les plus importants et les plus connus de ceux-ci, premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, envoya comme miséricorde pour l'univers, ne cherchait pas à tuer ceux qu'il prêchait, et ce, même s'il se détournait de son noble appel et de sa religion. Au contraire, il accordait une grande importance à ce qu'ils acceptent l'appel de la vérité, et ce, malgré ce qui lui arrivait comme nuisance. Car s'il voulait vraiment se débarrasser d'eux, il aurait dit à l'ange des montagnes de les écraser entre les deux montagnes, afin de se réjouir les yeux et que la terre soit purifiée d'eux. Mais au contraire, il a dit sallallahu alayhi wa sallam: Plutôt, j'espère qu'Allah fasse sortir de leur progéniture des gens qui adorent Allah seul sans rien lui associer. Il fit donc sallallahu alayhi wa sallam preuve d'une grande sagesse et d'une grande miséricorde dans les limites de la législation. Ensuite, le deuxième point qu'on peut tirer de ce hadith est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec et soutient ses messagers, ses prophètes et leurs suiveurs, et surtout ceux qui parmi eux appellent à Allah subhanahu wa ta'ala avec science, patience et douceur, espérant par ceci l'agrément d'Allah ainsi que la rectitude de la communauté et de la société. Et ce, afin qu'ils délaissent le polythéisme pour l'unicité, l'égarement pour la guidée, la déviance pour la droiture, la bassesse pour la noblesse et le parti du diable pour le parti du tout miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le troisième point qui peut être tiré de ce hadith est que les réflexions, la témérité et le manque de discipline ne sont pas des comportements sérieux et acceptables dans le domaine de l'appel à Allah, subhanahu wa ta'ala. Au contraire, ils corrompent les choses, détruisent ce qui a été construit, amènent à une mauvaise fin et à de mauvais résultats. Et tout ceci est certes en contradiction avec les nobles traces laissées par la prédication droite et prophétique. Ensuite, le quatrième point que l'on peut tirer de ce hadith est qu'il est légiféré de prêcher à une seule personne, si cela est accompagné de bonne intention, d'une méthodologie sage et d'un éclaircissement clair et compréhensible basé sur des preuves, car ceci aide à lutter contre les maladies des ambiguïtés et des passions. Et certes, il se peut que cette personne à qui le prêche est destiné devienne à son tour un prédicateur et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide des gens de par sa cause. Parmi les bénéfices que nous pouvons tirer de ce hadith également, le fait qu'il convient d'être constant dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, sans désespérer ni se démotiver, et en ayant toujours une bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ceci fait partie des plus grands comportements du prêcheur. Et certes, son exemple dans cela n'est autre que son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici donc pour ce qui est de ce premier hadith. Quant au deuxième hadith, il s'agit du hadith rapporté dans les deux recueils authentiques d'après Ibn Abbas radiallahu anhuma, d'après Mu'ad radiallahu anhu qui a dit: Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé et m'a dit: Tu vas te rendre chez un peuple parmi les peuples des gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit donc l'attestation qu'aucun dieu ne mérite l'adoration à part Allah et que je suis le messager d'Allah. S'ils t'obéissent dans cela, alors informe-les qu'Allah leur a ordonné d'accomplir 5 prières dans la journée et la nuit. Puis s'ils t'obéissent dans cela, alors informe-les qu'Allah leur a imposé une aumône qui est prise de leurs riches pour être redistribuée à leurs pauvres. Et s'ils t'obéissent dans cela, alors prends garde à ne pas prendre leurs biens les plus précieux. Et prends garde à l'invocation de l'opprimé, car il n'y a aucun voile entre elle et Allah. Le shir, rahimahullah, a dit à propos de ce hadith, il a dit: Ce hadith comporte de nombreux bénéfices concernant la jurisprudence de l'appel à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et parmi ceux-ci, premièrement, le fait qu'il est légiféré pour le gouverneur des musulmans d'envoyer des prédicateurs, et ce, afin de propager la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de manière authentique. Deuxièmement, seuls les savants éducateurs qui savent propager l'islam doivent être envoyés pour l'appel à Allah, subhanahu wa ta'ala. et ce, afin qu'ils commencent leur prédication par les choses les plus importantes, en y allant par étapes avec ceux envers qui le prêche est destiné. Troisièmement, il n'est pas permis à l'ignorant de voyager sur terre dans le but d'appeler à l'islam, mais plutôt, il lui est obligatoire d'étudier la science auprès des gens de science, et ce, jusqu'à être apte pour appeler les gens à la vérité en se conformant aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam pour les prédicateurs. Voici donc pour ce qui est de l'explication concise de ces trois versets et de ces deux hadiths. Ensuite, après cela, le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné de manière résumée les principaux points pour réussir l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant de les mentionner, nous allons lire, incha'Allah, un court passage dans lequel le Cheikh rahimahullah encourage les prédicateurs à motiver les gens dans l'étude de la science. Il a dit rahimahullah, l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala, qui est le rôle des prophètes, des messagers, et de ceux les ayant suivis parmi les vertueux, est un appel pour que les créatures apprennent la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et que chaque personne donne une grande importance à la compréhension de la religion avant toute chose. Et ce, car Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a créés pour l'adorer. Et certes, l'adoration, ainsi que les ordres religieux, possèdent des conditions et des obligations qui ne peuvent être connues qu'avec l'étude de la religion. Il est donc obligatoire à chaque personne d'apprendre les obligations individuelles de cette religion, comme les fondements de l'islam, les fondements des adorations, la connaissance du licite et de l'illicite, etc. Il faut donc impérativement rappeler aux gens cette obligation qui est d'étudier la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui suit cette voie sera certes bien guidé. Quant à celui qui se préoccupe par autre que cela, par la vie mondaine, les plaisirs et les passions, celui-ci sortira de cette demeure en étant pauvre en bonnes actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Ce hadith prouve que les gens du bien sont ceux qui donnent de l'importance à la compréhension de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, eux ainsi que leurs familles, leurs proches et leurs frères parmi les musulmans. Donc voici pour ce qui est de ce court passage incitant les gens à donner de l'importance à l'étude de la science. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit, après avoir mentionné ce qui vient d'être mentionné, nous savons à présent que les principaux points pour réussir l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala sont les suivants. Premièrement et deuxièmement, la sincérité et le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam dans l'appel à Allah, car ce sont les deux conditions de base dans chaque œuvre rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces œuvres, appeler les créatures à accomplir les causes du pardon, afin d'être sauvé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'obtenir sa miséricorde et son agrément. Ensuite, troisièmement, que celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala possède de la science religieuse, qu'il soit sur le minhaj salafi, qu'il ait une bonne compréhension de la sagesse et de la méthodologie, et ce, afin de traiter les maladies de ceux à qui il prêche et qu'il dise à chaque moment et à chaque endroit ce qui sera profitable. Quatrièmement, le fait de porter une grande importance à la propagation des livres religieux salafis. Et à leur tête, les livres sur le tawhid et les livres sur la croyance des salafs parmi les gens de la sunna et du groupe. Et également, les livres des savants du hadith, des quatre imams et de leurs frères parmi les savants dans la jurisprudence. Il y a également le livre de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et de son élève Ibn al-Qayyim, ainsi que les livres du Cheikh Muhammad Ibn Abdel Wahhab, rahimahumullah ta'ala. De même pour les livres de ceux qui ont étudié auprès de ces savants ou qui ont profité de leur science avec une bonne compréhension, et ce jusqu'à nos jours. Également les livres de tafsir sur la voie authentique, les livres sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les livres sur la jurisprudence. Et sans oublier également les audios de ceux qui éclaircissent la vérité et orientent les gens vers le droit chemin. Ensuite, cinquièmement, le fait d'envoyer des prédicateurs parmi les savants étant sur la voie des pieux prédécesseurs, ayant une bonne croyance tout en suivant la voie correcte dans la prédication. Ils sont donc envoyés vers les contrées, proches ou lointaines, afin d'enseigner aux gens leur religion, leurs croyances, ainsi que les règles des adorations et les nobles comportements. Et ce, car la propagation de la science est une sorte de lutte dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, sixièmement, que le prédicateur soit un bon exemple, c'est-à-dire qu'il applique ce à quoi il appelle. Donc lorsqu'il ordonne aux gens un bien, il doit être le premier à y croire et à l'accomplir. Et lorsqu'il leur interdit un mal, il doit être le premier à le détester et à le délaisser. tout comme le faisaient les nobles messagers et les prophètes, alayhimus salatu wassalam, ainsi que tout prédicateur véridique. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il est obligatoire aux prédicateurs de faire tout ce qu'il ordonne aux gens et tout ce à quoi il les appelle, car il est possible qu'il n'en ait pas la possibilité ni la capacité. Il lui suffit donc d'avoir une bonne intention dans cela. De même, ce n'est pas une condition qu'il n'ait aucun manquement dans l'accomplissement des ordres ou le délaissement des interdits, car chaque être humain commet des erreurs, et certes, le meilleur de ceux qui commettent des erreurs est celui qui se repent. Par contre, il doit faire des efforts constants afin d'améliorer sa personne, et ce, afin d'obtenir l'agrément de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et de faire vivre la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et également pour obtenir les plus hauts degrés du paradis, à propos desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Rahman, « وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ » Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins. Jusqu'à la fin de Surat al-Rahman. Et également, pour être sauvé du feu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans sa parole, « يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ » On reconnaîtra les criminels à leurs traits. Ils seront donc saisis par les toupets et leurs pieds. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Voici l'enfer que les criminels traitaient de mensonges. Ils feront le va-et-vient entre lui et entre une eau bouillante extrêmement chaude. Ensuite, le septième point que le shir a mentionné, rahimahullah, est la patience. La patience qui est une des plus grandes provisions pour le prédicateur. Et ce, car la route de la prédication est longue, difficile et semée d'embûches. Il ne pourra donc l'emprunter qu'avec une grande patience, tout comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné dans son noble livre en disant « Ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis sabri was salah, inna allaha ma'as sabirin » Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également dit en s'adressant à son messager sallallahu alayhi wa sallam « Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum » Endure donc comme ont enduré les messagers doués de fermeté et ne te montre pas trop pressé de les voir subir leur châtiment. Patiente donc, mélange-toi aux gens en souhaitant le bien pour eux, car celui qui se mélange avec les gens et patiente face à leur nuisance est meilleur que celui qui ne se mélange pas à eux et ne patiente pas face à leur nuisance, comme cela est rapporté dans le hadith. Et ensuite, réjouis-toi de la grande récompense réservée à ceux qui patientent. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Les endurants auront certes leur pleine récompense sans compter. Ensuite, le huitième point que le shir rahimahullah a mentionné est le fait de s'appuyer sur le Coran lors de l'argumentation, sur ses histoires, ses paraboles, ses promesses et ses menaces, et également en mentionnant les versets liés aux règles de la législation, et en mentionnant les exemples qu'a utilisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses prêches et ses recommandations. Et il convient également de mentionner les mérites des grands savants et prédicateurs, et ce, afin que les gens prennent exemple sur eux. Ensuite, neuvièmement, le fait de suivre l'actualité et de connaître la situation des gens, et ce, afin de savoir ce dont ils ont besoin dans la science, les orientations et les recommandations. Ainsi, le prédicateur pourra traiter les mots avec les meilleurs remèdes. Dixièmement, le fait de procéder par étapes dans l'enseignement. Et ce, en enseignant aux gens les bases de la religion avant d'enseigner ses branches et ses obligations avant ses actes surrogatoires. Il faut donc commencer par corriger la croyance, puis les autres piliers de l'islam, de la foi et de la bienfaisance. Et également, en ce qui concerne le licite et l'illicite. Puis ensuite, les encourager aux sunan et aux actes méritoires et les mettre en garde contre les turpitudes, les grands et les petits péchés. Tout comme l'ont fait les prophètes et les messagers, alayhimus salatu wassalam, avec leur communauté. Ensuite, le onzième point que le shir a mentionné, rahimahullah, est le fait d'exposer les choses de la meilleure manière et avec une belle élocution. Car cela a un grand impact chez ceux à qui le prêche est destiné. Ensuite, le douzième point, le fait d'avoir de la douceur dans l'enseignement et lors des débats. Car ceci est la voix des prophètes et des messagers, alayhimus salatu wassalam, dans leur prêche. Et certes, ils sont notre meilleur exemple. Oulâika alladhîna hadallâh fabihudâhum muqtadih. Voilà ce qu'Allah a guidé, suis donc leur direction. Ensuite, le 13e point est de suivre réellement la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah, dans la compréhension des textes, du livre et de la sunna, et dans l'ensemble des chapitres de la science ainsi que dans les œuvres. De même, pour la méthodologie dans l'appel à Allah, subhanahu wa ta'ala, le commandement du bien, l'interdiction du mal, l'alliance et le désaveu. Et ce point est un point très très important pour le prédicateur. Ensuite, le 14e point que le cheikh a mentionné, rahimahullah, est le fait de reconnaître le mérite des gens, de les respecter et de donner à chacun son droit selon son degré. Et ce, afin d'attendrir leur cœur et qu'ils écoutent et acceptent la nasiha bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, le 15e et dernier point qui a été mentionné est que le prédicateur soit doté d'un bon comportement et de générosité, car ceci aide à ce que les gens profitent de lui et se rapprochent de lui. Voici donc les principaux points pour réussir l'appel à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous aide à œuvrer selon ceci et qu'il nous accorde la sincérité dans les paroles et les actes. Hada, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad.